Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Web Entreprise A à Z, le podcast qui vous accompagne de la création à votre succès avec deux consultants qui accompagnent des entreprises. Moi c'est Vincent, consultant pour les auto-entrepreneurs avec la chaîne YouTube Les Digitables. Et moi c'est Alexandre, donc consultant en web marketing et en content marketing. J'aide les entreprises à développer leur chiffre d'affaires grâce à des stratégies de contenu et grâce à une meilleure communication. Au programme de ce podcast, déjà nous allons commencer par nous poser la question de faut-il créer son entreprise en France ? Puis nous verrons ce qu'est un entrepreneur et pourquoi il faut se lancer. Et nous finirons par donner nos conseils du jour. Alors commençons tout de suite par est-ce qu'il faut créer son entreprise en France ? Je pense que vous avez un peu suivi l'actualité sur les Paradise Papers. Alors la question n'est pas de parler de politique ni de ce qui se passe exactement, mais ce qu'il faut comprendre, et il faut différencier les Paradise Papers aux Panama Papers, c'est que les Paradise Papers, c'est pas une évasion fiscale, c'est totalement légal. Et ce qui est posé actuellement, c'est est-ce que c'est immoral ou pas. Et nous qui sommes des entrepreneurs, j'ai envie de dire que je comprends ces personnes-là parce que nous, on est quand même submergés d'impôts. Et je pense que si les gens s'exilent, enfin essayent de faire des optimisations fiscales, c'est parce que on est croulé d'impôts. Si on regarde nous entre donc le RSI, l'IS, entre le RSI, il y aura l'IS, il y a le CFE, enfin bref, il y a beaucoup. Et après voilà, personnellement, t'es aussi imposé sur l'IR. Donc l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. Ouais. Donc avant il y avait l'impôt sur la fortune, mais ça va être supprimé, ça a été voté, donc ça devrait être bientôt mis en place. Donc voilà, alors moi je pense qu'il faut déjà regarder un peu les impôts en France, il faut peut-être déjà se poser la question, est-ce que, pourquoi ils font des optimisations fiscales, ils vont dans les paradis fiscaux, même si c'est vrai qu'on peut se poser la question si c'est moral ou immoral, j'ai trouvé des chiffres quand même pour étayer tout ça. J'ai vu que NAC, en Europe quand même, payait 2% d'impôts, et que la France perdait 20 milliards par an d'impôts. Donc voilà, est-ce que c'est pas un peu abusé ou pas ? Est-ce qu'on va loin ? Moi j'avoue que si j'aurai l'occasion, si nous on a l'occasion, parce qu'on est ensemble en entreprise, si nous on a l'occasion, je pense, d'optimiser fiscalement, je pense qu'on le ferait, et on va le faire d'un certain côté, parce qu'on fait tout pour payer le moins d'impôts sur les sociétés, en passant tout dans les charges, et ça c'est juste un secret pour les chinelles, quoi. Tout le monde le fait, toutes les entreprises le font pour payer le moins d'impôts possible. Enfin, forcément, quand tu es une entreprise, tu vas chercher plutôt la rentabilité, plutôt le bénéfice, que tu vas essayer de payer le plus d'impôts possible. Non, tu vas pas faire ça. Quand tu es un bon gestionnaire, tu vas pas payer le plus d'impôts. Le but n'est pas de payer le plus d'impôts possible. Donc, surtout que moi je pars du principe où justement tu crées ton entreprise, c'est pour quand même avoir un retour sur ton travail. Tu veux certainement vivre pleinement, avoir ton indépendance financière, géographique, temporelle. Alors après, il y en a qui disent qu'ils doivent tout à la France. Je suis complètement d'accord là-dessus, que la France, elle nous permet vraiment d'entreprendre facilement. Elle nous permet aussi d'entreprendre, on va dire, de manière sécurisée avec tout ce qui est allocation chômage pendant que tu te lances, pendant que tu crées ton entreprise. Tu as ce côté-là, certes, mais quand tu vois aussi tout le côté, on va dire, qu'on ne fait pas forcément miroiter quand tu te lances, c'est tout ce côté-là, imposition, et donc du coup, tu vois concrètement que tu as 50% presque de ton chiffre, de ton revenu, tout dépend après comment tu optimises, ta gestion fiscale, comme Vincent te le disait. Mais alors pourquoi il se pose la question de... C'est légal, pourquoi on se pose la question de l'immoralité ? Pourquoi on prend du doigt toutes ces stars, toutes ces entreprises qui sont évadées fiscalement ? Alors moi, je pense que il y a une part de jalousie de la société. Parce que souvent, tu suis un chemin complètement, on va dire, presque basique. La société, le système veut que tu fasses des études longues, que tu fasses un métier pendant 30, 40 ans et qu'après, bah, justement, tu aies ta retraite. Sauf que bien trop souvent, les gens sont frustrés de faire d'avoir ce parcours-là. Nous, ça a été un peu notre cas parce qu'on y est un peu rentré, mais on s'est un peu extirpé de tout ça parce que ça ne nous correspondait pas, on n'était pas pleinement heureux. On n'y voyait pas non plus les bénéfices. Du coup, on est parti de tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens, eh ben, ils s'obstinent à faire ça. Ils s'obstinent à rester un peu dans ce système et dans cette logique de faire quelque chose qui ne leur plaît pas. Du coup, ils sont frustrés. Et quand ils voient quelqu'un réussir, eh ben, ils sont forcément jaloux. Et en fait, ils envient ces personnes-là. Donc moi, je pense qu'il y a une part de jalousie aussi. Et ils disent, ouais, c'est une crapule, il est parti, s'est exilé, je ne sais où pour payer mon impôt. Est-ce que toi tu ferais pareil? Est-ce que toi tu ferais pareil? Est-ce que tu poserais déjà la question de est-ce que c'est immoral ou pas? Enfin, est-ce que tu hésiterais à le faire ou... Mais moi, en fait, j'ai envie d'optimiser mes ressources. J'ai envie d'optimiser mes ressources parce que plus j'aurai, moins j'aurai, on va dire, de dépenses, plus j'aurai de quoi réinjecter dans l'entreprise et plus je pourrai développer l'entreprise. Je pense que tu es un peu dans la même vision que moi. On veut faire développer notre entreprise et tout entrepreneur veut faire développer son activité. Tout entrepreneur a une vision long terme et veut vraiment que son entreprise fonctionne. Donc, il faut réinjecter de l'argent. Or, si on t'en enlève avec l'imposition et qu'il te reste à peine 40% pour toi te rémunérer, qu'il te reste, on va dire, allez, 10% pour faire tout ce qui est... réinjection dans ta société, bref, ton évolution, on va dire, de l'évolution de ton activité, ça sera pas optimisé, ça va pas être optimal, et en plus de ça, bah, du coup, tu vas avoir des frustrations, tu vas encore te serrer la ceinture, etc. Donc moi, c'est plus dans un souci d'optimiser tout notre processus, tout notre concept. Moi, la question se poserait même pas, je m'en ficherais complètement de ce que les gens pensent. Parce que moi, je veux que mon entreprise fonctionne et je veux vivre de la meilleure des façons. Je veux atteindre mes objectifs dans ma vie. Donc voilà, j'ai pas envie de subir non plus tout ce que les personnes peuvent dire ou quoi que ce soit. Donc voilà. Après, comme on disait au début, enfin nous, on se rend bien compte qu'on croule sous les impôts, quoi. Il y a au moins 5 à 6 impôts, sans peut-être compter les impôts personnels qui tombent. Si tu n'as rien qu'un appartement, tu es propriétaire, tu payes la taxe d'habitation et la taxe foncière, en plus de ton... Mais même en étant locataire, quoi, tu payes la taxe d'habitation. Enfin, même si ça a changé, bon, enfin, ouais. On ne va pas rentrer dans tout ça. Mais bon, voilà, il faut se rendre compte qu'il y a énormément d'impôts. Et plutôt de se poser la question si c'est moral ou pas, peut-être changer un peu tout ça pour que justement les entreprises arrêtent de faire ça au mieux... Au moins. C'est faut penser aussi économie locale. Alors après, on peut partir loin avec ce sujet. Nous, on a vraiment notre vision là-dessus. Et pour moi, les impôts, c'est pour l'économie, ok. Mais ce qu'il y a, c'est que si une activité se développe, elle va créer peut-être certainement des emplois, elle va permettre à d'autres indépendants de se développer aussi, et du coup, l'économie et le pouvoir d'achat, etc. Bref, il y aura tout un cercle vertueux qui va se faire. L'économie peut vraiment progresser et vraiment aller dans le bon sens. Donc, moi, je pense que ça pourrait même être bénéfique au global de fonctionner comme ça. Après, on n'est pas des... Enfin, moi, je suis pas un économiste né. J'ai quelques notions, mais je suis pas expert. J'ai juste ma vision des choses et c'est pour ça que on dit pas qu'il faut pas payer d'impôts. Nous, on est pour payer des impôts, il n'y a pas le problème. C'est que en France, on est vraiment coulé sur les impôts. Ça, c'est vrai. Si tu te lances un jour dans l'entreprise, et ce qu'on va te conseiller, on en parlera tout à l'heure, mais il faut savoir que peu importe ton statut, même en auto-entrepreneur, où on a l'impression qu'au début, il n'y a pas beaucoup de charges, en fait, ça te coûte quand même assez cher. Il faut savoir que tu ne vas pas gagner non plus des milliers et des cents parce que l'État va en prendre une bonne partie. Après, on est dans un pays où il y a un système très avantageux, il faut participer, tout le monde doit participer. C'est vraiment sur un système de solidarité où tout le monde doit donner de sa poche. Il n'y a pas de problème, même si voilà, nous, on est pour quand même que ça baisse les cotisations, même beaucoup quand même, parce qu'on donne beaucoup de... de Ouais, parce notre que le revenu, souci quoi. aussi, le souci quand tu sais que tu as des impôts à payer et tout ça, c'est que tu vas spéculer. Et donc du coup, concrètement, c'est encore dans un souci économique, c'est que tu vas pas aller acheter, tu vas tellement économiser, te serrer la ceinture que du coup, tu vas pas te faire plaisir. Et donc du coup, après, bah, tu vas pas aller acheter, enfin, c'est les entreprises, elles vont moins produire. Enfin, là, on va rentrer dans le cercle un peu, où le cercle vicieux, où là, c'est vraiment le sens inverse, quoi. Moins il y aura de pouvoir d'achat, moins il y aura d'achat, moins il y aura, on va dire, de production. Donc, les entreprises vont petit à petit mourir, et donc, du coup, ça va créer des licenciements, etc., etc., comme on connaît en France, sur des grosses entreprises. Alors, après, il y a des soucis de gestion aussi des entreprises, ça, c'est un autre sujet, mais il y a vraiment énormément de choses où moi je pense que l'imposition pourrait être vraiment réajustée et retravaillée. Je vais finir ce sujet par une astuce que je conseille que aux web entrepreneurs, je dis même que aux web entrepreneurs, c'est que l'Estonie, dès l'année dernière, a fait un nouveau statut de e-résident qui permet de créer ta société en Estonie. Tu peux ouvrir un compte bancaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment le statut donc digital nomade. C'est vraiment fait pour ceux qui travaillent sur Internet. Et tu es imposé à 0%. Donc, il n'y a pas d'imposition sur ton chiffre d'affaires. Par contre, si tu te rémunères, tu seras donc imposé à 20%. T'imagines, 20%, c'est pas grand-chose par rapport à la France. C'est même inférieur à la moyenne européenne. Je t'invite, si tu veux en savoir À plus, à regarder ta regarder. Ouais, vidéo, j'avais fait une vidéo dessus sur les digitales. Mais voilà, ou t'intéresser plus sur Internet. De toute façon, tu trouveras des Bah, du articles coup, dessus. tu mettras le lien peut-être Ouais, je dans les mettrai. notes et tout ça. Ouais, je mettrai le lien. De toute Ça façon, sera plus simple. ouais. Bah, de toute façon, moi, je te le conseille. Nous, je pense que si on savait ça, peut-être qu'on aurait pris ça. Enfin, ça aurait demandé beaucoup de réflexion là-dessus. Parce que c'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qui te permet quand même déjà 0% sur ton chiffre d'affaires, c'est super. Et en plus, nous, on paye 47% sur notre rémunération. Là, on sac à 20%. Alors, t'imagines bien que ça ferait du bien, quoi. C'est d'énormes bénéfices et Ouais. Et en plus, là, tu c'est peux dans en l'Union profiter bien européenne. mieux, quoi. Donc, vraiment, si tu veux en plus habiter là-bas pour avoir tout sur place, au cas où que t'aimes pas que ça soit trop à distance et tout, bah voilà, tu peux aller sur place. Voilà, c'est dans l'Union européenne, donc tu peux aller vivre là-bas sans souci. En tout cas, je te conseille de vraiment y réfléchir, de pas tout de suite. Pour répondre à la question, faut-il ouvrir son entreprise en France? Moi, je te conseille de bien réfléchir, de voir si c'est pas intéressant. Il y en a beaucoup qui ouvrent des entreprises, par exemple à Singapour, parce que c'est extrêmement avantageux. Je connais quelques web entrepreneurs qui sont lancés à Singapour. C'est Il y en a quelques-uns intéressant. qui sont à Malte aussi. Ouais, Il y en a pas Malte, mal à voilà. Malte. Ouais, Malte aussi, voilà. Donc. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées ailleurs pour vivre. En plus, la vie est moins chère qu'en France, donc c'est aussi plus intéressant. Donc c'est pour ça, réfléchis C'est bien, un tout. regarde toutes les C'est une possibilités. globalité. Et Voilà. donc, du coup, voilà. Si tu veux vraiment savoir plus, surtout sur l'Estonie, n'hésite surtout pas à aller voir la vidéo à Vincent. Voilà. Donc passons au prochain sujet. Donc qu'est-ce Donc que c'est c'est quoi un un entrepreneur? entrepreneur Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de confusions qui sont faites par les médias et même par les gens entre un entrepreneur et un businessman. Il faut savoir que ce n'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai vu récemment un article sur Tim Cook et le média était scandalisé de ne pas voir Tim Cook dans les 100 entrepreneurs qui a été fait par Forbes, les meilleurs 100 entrepreneurs. Mais sauf que Tim Cook, ce n'est pas du tout un entrepreneur, c'est un businessman. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va partir de zéro et qui va créer son entreprise. Tim Cook, il a juste repris l'entreprise de Steve Jobs et de Wozniak, mais jamais il a parti de rien pour créer quelque chose, c'est un businessman. Il faut bien, les gens qui reprennent des entreprises ne sont pas des entrepreneurs, ce sont juste des gens qui ont de l'argent et qui vont reprendre un business qui est déjà fait. Un Mais entrepreneur, est-ce il que va tu partir de penses pas qu'il rien. faut quand même avoir des notions d'entrepreneur pour justement reprendre Ouais, une ça, entreprise comme ça? ouais, c'est neuf. Alors, un entrepreneur, je pense que Tim Cook n'a pas eu l'audace, par exemple, si on prend cet exemple-là, si je reste dessus, Il n'a pas lui, eu cette notion-là de courage, voilà, il a pas eu assez de de se courage, il a pas eu créer complètement. l'idée, C'est ça il a pas que tu veux eu, peut-être dire. Voilà, il n'a pas eu toute la vision qu'a pu voir Steve Jobs et tous ceux qui ont travaillé avec Steve Jobs. Enfin, voilà, il n'a pas. Enfin, voilà, créer quelque chose, c'est bien plus difficile que reprendre quelque chose qui est déjà créé. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que. Ouais, non, mais je te rejoins complètement. Et ce qu'il y a, c'est qu'on en parlera certainement un petit peu plus tard. Mais nous, on est relativement influencé aussi par Oussama Hamar. C'est quelqu'un qu'on admire beaucoup et qui parle notamment de cinq notions vraiment d'un entrepreneur. Et notamment, il parle de courage. Et pour moi, le courage, c'est vraiment quelque chose, c'est une notion qui est relativement importante parce que pour prendre des risques, il faut être courageux. Pour construire son entreprise, il faut être courageux. Pour prendre son indépendance, il faut être courageux. Pour aller vers l'inconnu, il faut être courageux. Et ça, c'est ce qui a, c'est, je pense que c'est même le fondement d'un entrepreneur. Est-ce que C'est toi, tu as ça. l'impression d'être Et courageux, toi? bah oui, parce que j'ai quitté mes études, j'ai quitté un confort. J'étais aussi en plus de ça en alternance, donc j'avais un salaire chaque mois. Enfin, j'avais une stabilité, quoi. Maintenant, j'ai plus cette stabilité concrètement, mais ce qu'il y a, c'est que moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime. Et en fait, moi, dans la stabilité, je m'ennuyais, je me faisais chier. Et du coup, je préfère prendre des risques. Et bon, je vais un peu parler de ça parce que j'ai vu ça aujourd'hui. C'est un discours de Jim Carrey. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il parle dans un de ses discours face à des nouveaux diplômés aux États-Unis. En fait, il parle un peu de son histoire. Il explique que son père aurait pu être un très bon comédien. Il voulait même être comédien, son père. Sauf que il a voulu choisir le chemin pas de la facilité, mais de la stabilité, de la sécurité. Quand Jim Carrey avait 12 ans, son père a perdu son boulot de comptable. C'est un boulot qui, du coup, il aimait pas forcément. Il l'a perdu, ils ont dû survivre. Et la moralité de l'histoire, c'est que Jim Carrey, et c'est quelque chose qui révèle, enfin, qui relève de cette histoire, et du coup, il dit que son père, c'est vraiment quelqu'un qui lui a appris énormément, et c'est aussi quelque chose qui est relativement très important selon moi quand on est entrepreneur, même dans la vie en général. On va pas te faire du développement personnel là, mais c'est vraiment une notion qui est vraiment très importante dans le sens où pourquoi tu vas dire tu. Tu aurais un échec dans quelque chose qui ne te plaît pas. Pourquoi? Enfin, il faudrait que tu aies un échec donc plutôt dans quelque chose qui te plaît parce que tu auras pas de regrets à la fin de ta vie. T'auras pas. Enfin bref, t'auras fait quelque chose qui te plaît, mais t'auras eu un échec peut-être. Mais ça t'aura apporté beaucoup plus que de perdre ton temps à faire quelque chose que t'aimes pas. Et Moi, ça, comme je dis, c'est c'est que important, quoi. on apprend plus dans l'échec. Dans la réussite, on n'apprend pas parce qu'on ne sait pas pourquoi on a réussi. Il peut y avoir tellement de facteurs. Alors que dans l'échec, on sait forcément pourquoi on n'a pas réussi. On n'a pas assez travaillé. On connaissait pas notre cible. Enfin, il y a plein de possibilités. Alors que dans la réussite, bon, il y a un facteur de chance. Dans toute réussite, il y a un peu un facteur de chance. Et alors que dans l'échec, voilà, il y a bien plus à apprendre. Et ceux qui réussissent sans échouer, ils vont pas aller plus haut que ce qu'ils sont allés parce que ils ne savent pas ce qui ne marche pas. Et quand tu sais ce qui marche pas, bah Et déjà ça, ouais. quand tu vois les gros entrepreneurs, Steve Jobs, Xavier Niel et tout ça, ils ont eu des échecs. Ils ont eu des échecs, ils se sont construits comme ça. Ouais, c'est ça. Et quand tu dis que Steve Jobs, il s'est fait virer de sa propre boîte, ça a été dur quand même pour lui. C'est quand même quelque chose qui est pas commun. C'est ton entreprise et tu te fais virer. Mais c'est pas pour autant qu'il s'est arrêté et il en a tiré une leçon. Il a continué parce qu'il aimait ça. Il a même perdu de l'argent. Il a presque fait faillite avec sa nouvelle entreprise. Enfin bref, ça c'est vraiment un entrepreneur parce qu'il prend des risques, il est courageux et du coup après il a repris Apple. Donc c'est juste pour moi un entrepreneur c'est le fondement essentiel. C'est vraiment le courage. Donc ça c'est indéniable. Est-ce que toi, Ça tu se travaille. penses que tu es un entrepreneur? Est-ce que tu te définirais comme entrepreneur? Alors avant, il y a aussi une notion que moi j'aime beaucoup, c'est qu'on ne naît pas entrepreneur. Ça, c'est une idée fausse, enfin, c'est quelque chose qu'on se dit souvent, ouais, lui, il est fait pour être entrepreneur. C'est pas vrai. Parce que, en fait, c'est ton état d'esprit, faut le travailler et c'est comme un muscle, ton cerveau, c'est un muscle, ta façon de penser, ton état d'esprit, c'est quelque chose qui se travaille et tu peux changer ça. Et moi, au début, je pensais que la vie qu'il fallait mener, c'était la vie comme les personnes de mon entourage avaient. C'est-à-dire de faire des études, avoir un boulot. Et bah, du coup, bah, tu cotises un peu pour ta retraite et tu profites à ta retraite. Sauf que petit à petit, je me plaisais pas. Déjà, j'ai fait des études, ça m'a pas plu. J'ai fait un travail, ça m'a plu au début parce que c'était tout nouveau. Mais après, je m'en suis lassé et ça me plaisait pas. Je me voyais pas en fait faire une carrière dans l'entreprise. Et c'est là où en fait j'ai changé mon état d'esprit. Je me suis intéressé à plusieurs choses. J'ai commencé à m'intéresser un peu à l'entrepreneuriat et un peu grâce aussi à Vincent qui lui s'en est un peu intéressé un peu avant. Tu pourras l'expliquer après. Tu l'expliqueras même, je pense. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, en fait, c'est mon état d'esprit qui a changé. Et je me suis rendu compte que je pouvais, grâce au fait d'entreprendre, que je pouvais reprendre un peu le contrôle de ma vie, surtout de mon bonheur. Et du coup, je me définis, on va dire, complètement comme un entrepreneur maintenant, puisque je prends des risques, j'essaye des choses, je teste. Je teste des méthodes de prospection, de démarche, je teste même des idées de formation numérique, enfin bref, je teste énormément de choses et après c'est bien ou c'est pas bien, je pense que ça peut être un autre débat, mais j'aime tester, j'aime faire des choses, j'aime prendre des risques, j'aime dire oui à certains projets alors que je suis pas forcément le plus qualifié parce que je me lance un défi et j'aime ça et puis du coup j'apprends des choses et j'avance comme ça et ça me plaît. Donc je sais pas après, explique-nous un petit peu comment toi tu te définirais Vincent, est-ce que tu es un entrepreneur? Alors, mon envie d'être entrepreneur, mon histoire d'amour avec l'entrepreneuriat est plutôt récent, même très très récent. Je suis tombé par hasard et je vous avoue qu'avant je n'avais pas YouTube. Hein, c'était quelque chose que j'ai détesté et puis quand j'ai découvert un sport, je me suis intéressé à YouTube plus particulièrement et c'est là où j'ai trouvé, j'ai trouvé quelqu'un. Que je vous recommande fortement, c'est Antoine BM. C'est lui qui m'a fait découvrir l'entrepreneuriat, mais il m'a pas donné envie d'entreprendre par contre. C'est pas lui qui m'a donné envie d'entreprendre, mais en tout cas, il m'a fait découvrir un monde tout à fait nouveau. Et après, j'ai eu l'occasion de trouver d'autres personnes, mais je vous en parlerai plus tard, notamment Steve Jobs et Oussama Hamar, qui m'ont vraiment fait des déclics parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'au début, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, c'est que j'avais très peur. J'avais énormément de barrières et ces barrières-là, je ne me voyais pas me lancer, tout quitter pour me lancer là-dedans. Dans cette aventure-là, c'était juste impossible, quoi. En termes de financement, financier, en termes de réussite, aucune confiance en moi, aucune ressource, j'allais pas tout quitter pour gagner rien au début et pour devoir de l'argent à tout le monde. Enfin voilà, ça me paraissait totalement impossible, surtout qu'au début on avait de grands projets où il fallait beaucoup d'argent et c'était impossible. Et Ouais, grâce à ça, on Oussama, pourra faire un podcast voilà c'est entier ça. là-dessus. Ouais, Voilà et on c'est a vrai eu que énormément de grâce, projets, hein, pour faire une petite parenthèse, on a eu ouais, on a eu beaucoup de énormément projets, d'idées. Mais... beaucoup d'échecs, beaucoup de choses. Et c'est vrai que grâce à Oussama, et je dis, c'est lui qui m'a débloqué totalement toutes mes peurs, mes barrières, grâce à toutes ces vidéos qui sont juste super. Elles durent certes très longtemps, 1 heure et demie, c'est long à regarder. Moi, j'ai écouté en format podcast, pas en format vidéo, parce que format vidéo, je me voyais mal rester 1 heure et demie devant une vidéo. Mais en tout cas, en podcast, ça passe super bien. Et c'est lui qui m'a envoyé toutes ces barrières et celui qui m'a fait totalement le déclic, mais je l'en parlerai encore à la fin. J'ai beaucoup de spoilers, mais je reviens à la fin, c'est Steve Jobs. Par contre, là, c'était le déclic. Je me suis dit, putain, bordel de merde, si je fais pas ça, Ça va pas passer, quoi. Non, mais je Si suis un... t'essayes pas, ouais, si t'essayes pas, t'auras Non, des mais... regrets, quoi. Ouais, voilà. Et à bout d'un moment, il faut se dire, putain, mais faut faire ce que tu as envie de faire dans ta vie. Si tu fais pas ce que tu as envie de faire, bah, c'est pas la peine de vivre, quoi. Mais du Le coup, temps... ça, on Ouais. peut se poser une question, c'est pourquoi faut-il se lancer, du coup? Parce que là, on évoque beaucoup de choses, mais pourquoi faut se lancer? C'est qu'est-ce qu'il faut concrètement pour se lancer? C'est un déclic? Ouais, bah, ouais, c'est un déclic. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut pas une idée de fou pour commencer. Déjà, il faut tout de suite enlever ça. Faut, faut, ouais, faut pas. C'est ça, c'est quelque chose souvent qu'on pense en France et c'est malheureux, c'est que on pense souvent qu'il faut avoir l'idée du siècle, qu'il faut créer une start-up, qu'il faut créer une application, qu'il faut créer le nouveau Facebook, le nouveau YouTube, le nouveau. Enfin bref. Sauf que souvent, ben voilà, c'est un peu comme nous. Au début, on voulait pas réinventer le monde, mais on voulait, enfin si, on voulait même presque réinventer le monde un peu de la musculation, un peu pour vous expliquer. On voulait partir d'un gros projet, un énorme projet. Et c'est un truc où on a commencé à évaluer les coûts. On s'est dit, ouais, ok. Alors avec nos finances, je sais pas si ça va passer à la banque. Mais on s'est dit ensemble. Après, ouais, non, c'est vrai. Donc en fait, on voulait créer une salle de sport. Et une salle de sport, déjà bah, trouver les locaux, ou alors construire complètement le local, ensuite tout ce qui est matériel, tout ce qui est maintenance, enfin bref, on va pas faire toute la liste de ce qu'il faut pour créer sa salle de sport. On a encore le fichier d'ailleurs, ça me fait rire quand je le vois de temps en temps, mais du coup, tu vois, on est parti super loin, on est parti énorme, enfin, on est parti beaucoup trop gros. Après, je dis pas que c'est mal si faut trouver les investisseurs et tout ça, c'est possible. Mais si tu te casses la gueule, ça va te faire mal. Donc, il y a un truc, et ça, c'est les personnes qu'on t'a dit là, ils l'expliquent vraiment très bien et ils le disent très souvent. Nous, on réinvente pas, hein, de toute façon, on a énormément de notre état d'esprit et il a été un peu construit avec toutes les personnes auxquelles on s'intéresse. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que pour arriver à quelque chose de grand, il faut poser la première bille. Enfin, il faut faire le premier pas. Il faut commencer petit pour faire quelque chose d'énorme. Il faut toujours avoir une petite vision de départ, tout en ayant, on va dire, derrière la tête, un gros projet, ton gros objectif. Et du coup, nous, c'est comme ça un peu qu'on se construit, qu'on arrivera peut-être un jour à créer notre salle de sport, qui sait. Donc, ou même un tout autre projet, on ne sait même pas de quoi sera fait demain, donc on sait pas quel est ce gros projet, mais du coup, on se construit maintenant avec plein de petits projets. Et petit à petit, bah, du coup, on crée un réseau, on crée une communauté, une audience, etc. Et du coup, bah, ça gonfle petit à petit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Ça vient pas en un mois, ça vient pas en 6 mois. Tout dépend après aussi de la façon dont tu apprends, dont tu accumules les informations. Donc voilà, après, faut vraiment se lancer si faut t'en sentir capable. Mais il faut aussi te dire que ça peut t'apporter du bonheur, ça peut te permettre de vivre mieux, ça peut te permettre d'avoir un petit peu plus de temps libre, ça peut te permettre de, je sais pas moi, de te construire une vie meilleure. Et nous, c'est unique, enfin, je dirais que c'est presque uniquement pour ça, mais c'est déjà énorme. C'est pour cette raison-là que nous, on s'est lancé un peu dans l'entrepreneuriat. Donc après, tout dépend de l'objectif et de ta vision du succès, Ouais, bien entendu, mais... là tu parles d'un truc intéressant, c'est qu'il faut absolument trouver son pourquoi tu veux le faire. Le but n'est pas le faire parce que c'est à la mode, parce que c'est la mode du moment, c'est pourquoi je veux le faire, mais il ne faut pas se dire parce que j'ai envie de gagner de l'argent. L'argent n'est qu'un outil, ça ne sera pas un facteur de motivation sur le long terme, ce sera que sur le court terme. Et si tu veux faire partie des entrepreneurs qui font des gros coups de temps en temps et qui s'en entend plus parler pendant des mois, tu peux faire ça, mais est-ce que tu veux vraiment créer ça? Après, c'est à toi de voir, hein. Mais si tu veux vraiment être sur le long terme et avoir une vision de long terme, c'est faut trouver ton pourquoi et c'est pas forcément l'argent, ça va être peut-être autre chose, peut-être parce que tu as envie de créer quelque chose de grand, peut-être parce que tu as une vision totalement différente des gens que tu as envie de leur montrer, parce que tu penses que c'est la bonne vision à avoir sur un sujet en particulier. Après, voilà, il faut trouver son pourquoi. Nous, notre pourquoi, on peut te le dire. Moi, mon pourquoi, il est très simple, c'est déjà de voyager parce que j'ai envie d'être libre de manière plutôt géographiquement mais aussi financièrement, ne plus être avoir le contrôle de mon temps, c'est quelque chose que je trouve que je trouve le plus important, mais aussi parce que j'ai envie d'aider les autres, et ça c'est quelque chose que j'avais depuis mes 20 ans, donc ça fait depuis un an à peu près un an et demi, bon. Je sais plus exactement. Ça fait un moment que j'avais une envie d'être utile. Tu Ouais, non sais mais plus quel âge t'as? non mais je sais plus exactement à quel moment c'est venu. Mais il y a un moment où j'ai eu envie d'être utile dans ma vie. J'ai l'impression de rien faire d'utile dans ma vie, de pas aider personne. Et ce gros vide que j'avais dans ma vie, je le comble de plus en plus. Et je me sens de plus en plus épanoui parce que pour moi, il est important d'aider les autres. Et ce que je fais dans un des business, c'est d'aider vraiment les auto-entrepreneurs à arriver à créer son entreprise et à réussir, Et et c'est très ça important. c'est vraiment important parce que c'est ça, c'est un autre des fondements aussi, c'est les valeurs que tu veux apporter dans ton business. Toutes les entreprises, elles ont des valeurs. Moi, quand j'étais salarié, dans la boîte où j'étais, il y avait des valeurs, il y avait une politique. Et en fait, quand tu es entrepreneur, quand tu te lances, c'est un peu ton branding et tout ça. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'explique dans mes podcasts. Mais. C'est quelque chose de très important dans le sens où ça va créer un lien de confiance avec avec ta cible. Ils vont voir que t'es expert, ils vont voir que tu as vraiment de la valeur et que tu as quelque chose à proposer. Et quand tu. Souvent, après, il y a un souci aussi en France, c'est qu'on a un rapport à l'argent qui est assez mauvais. Moi, je suis en train de travailler énormément dessus parce qu'on veut toujours avoir plus d'argent pour pouvoir profiter un peu mieux. Mais faut savoir aussi pouvoir dépenser pour pouvoir profiter un peu mieux. Et du coup, nous, c'est un peu aussi comme ça qu'on voit les choses. On dépense de l'argent pour se former, pour apprendre encore plus, pour pouvoir apporter encore plus. Et souvent, on a aussi un peu ce défaut en France, c'est que dès qu'on a des connaissances, dès qu'on a des compétences, dès qu'on a des savoirs, on veut les garder. Et du coup, on veut les vendre. Sauf que pour montrer que tu as des savoirs, que tu as des compétences et que tu as vraiment des valeurs à apporter, que tu peux vraiment apporter quelque chose aux gens, il faut leur montrer. Les entreprises, elles montrent des innovations. Après, elles ne montrent pas comment elles font. C'est pour ça qu'il y a des brevets, mais il y a des fois, il y a des trucs, il y a des objets, des innovations qui ont des brevets, mais ça ne se développe pas derrière. Et donc du coup, nous, c'est pour ça qu'on fait énormément de contenu pour aider les gens, pour montrer on sait de quoi on parle. On sait concrètement comment aider quelqu'un pour se lancer dans un business. On sait comment créer des stratégies marketing, de communication. Comment construire un budget, son business plan, son business model, etc., etc. On développe encore tout ça, mais on le montre. Parce que si tu gardes tout pour toi, que tu partages plus rien, moi c'est quelque chose que j'adore aussi dans l'entrepreneuriat et surtout dans ce qu'on fait nous, c'est qu'on apporte énormément de choses aux gens. On veut toujours être là dans le partage. Et plus tu apporteras aux gens, plus tu vas recevoir. Et ça, faut vraiment bien le comprendre quand on lance un projet. C'est intéressant tout ce que tu dis, notamment sur le rapport à l'argent et sur les valeurs qu'on peut diffuser. Ça pourrait certainement faire l'objet d'autres podcasts, mais je voudrais pas qu'on s'étende là-dessus. Je voudrais qu'on aborde à une autre partie super importante qui me paraît très importante sur pourquoi faut-il se lancer. C'est que nous croyons réellement que c'est l'heure de l'ère entrepreneuriale, que c'est le moment de se lancer parce que c'est le futur et que j'ai envie de te dire, ne loupe pas le wagon. Si tu veux devenir entrepreneur, Alors, il y c'est a le une question moment. de timing très importante. Ouais, là c'est vraiment le moment. On le voit et moi j'avais suivi une conférence de Oussama Hamar qui m'a fait tellement réaliser parce que moi en termes d'économie, comme a dit Alex, on n'est pas des spécialistes et Oussama Hamar avait dans une de ses conférences que je te conseille mais plus que tout si tu veux avoir une vraie vision du monde. qui est d'un côté entrepreneurial et ce que tu n'écouteras jamais dans les médias. Et il disait justement que ça fait 30 ans qu'on essaye de supprimer le chômage, de réduire le chômage, et ça fait 30 ans qu'on n'y arrive pas et on ne se pose pas la bonne question. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus de travail en face. Et effectivement, il y a de moins en moins de travail et c'est sûr qu'on va vers la réduction du temps de travail. Et si tu veux justement ne pas te retrouver dans cette question de précarité qui va certainement arriver à tout le monde dans très peu de temps, je le pense, même s'il y a certes des nouvelles économies qui vont se développer, c'en est certain aussi, mais ça remplacera jamais tout ce qu'il y avait pu y avoir dans les 30 glorieuses, ça sera jamais autant. Et ça, il faut bien le comprendre qu'on est dans un nouveau système. Donc, si tu veux te lancer, si tu penses comme nous que c'est l'avenir, nous, je pense que c'est vraiment l'avenir, on en est presque persuadé, mais on te dit pas qu'on a raison parce qu'on ne sait pas ce que sera l'avenir, mais c'est tous les signes sont là pour te dire que voilà, c'est le moment, c'est l'heure de créer ton job, de créer ta vie, et on revient au standard d'avant où tout le monde, tu vois, avant, les années avant 1900, tout le monde avait son petit jardin, sa petite ferme, et tout le monde vivait de son propre travail. Il ne vivait pas en dépendance de tout le monde. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas besoin du travail dans la vie. On nous a tellement conditionnés qu'il y a besoin du travail dans ta vie. Mais il n'y a pas besoin de travail pour vivre. Et on vivra bien grâce à son propre job. Et ça passe pas forcément par être salarié pour réussir sa vie. Voilà, est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus? Bah moi, tu t'as soulevé un sujet moi qui me franchement ça m'a j'y avais pas forcément pensé, mais quand tu l'as dit ça m'y a fait penser. Il y a des pays où il n'y a pas de travail en fait. Il y a des pays d'Afrique où par exemple en fait il y a des villages où eh ben en fait ils vont chasser. C'est vrai que c'est un mode de vie qui est complètement différent du nôtre, mais il n'y a pas le travail. Et en fait, ils récoltent les fruits de leur savoir, de ce qu'ils font et de leurs efforts. Et c'est ça avec l'entrepreneuriat, c'est que tu vas te créer ton propre job, tu vas te créer ton propre réseau, tu vas répondre à un besoin, parce que ça, c'est bien entendu un fondement aussi essentiel, il faut que tu répondes à un besoin, parce que si tu blablates pour rien, ça sert à rien. Tu vas perdre ton temps plus qu'autre chose, mais voilà, et il y a des certains pays où bah justement, tu as même des casaniers, tu as des mecs qui sont tout seuls dans une forêt et puis ils n'ont pas besoin de travailler en fin de compte, puisque ils chassent, ils peuvent se nourrir. Ils répondent aux premiers besoins de la pyramide de Maslow en quelque sorte. Hein. C'est d'avoir, on va dire, de quoi enfin, se nourrir et pouvoir vivre en quelque sorte, pouvoir être vivant, quoi. Ouais, Donc. on peut largement. Alors, on ne dit pas qu'il faut revenir à l'âge de préhistoire, À l'âge mais de est-ce qu'il pierre, faut mais bien que tu non, peut-être pas comprennes, quand même, mais. c'est voilà, c'est l'exemple pour te montrer que le travail, c'est une notion très récente qui date depuis après la guerre de 1950, par là, où on a commencé à faire des usines, etc., une nouvelle économie. Mais avant ça, il n'y avait pas de travail comme maintenant, c'était pas du tout ça, c'était autre chose. Alors, certes, il y avait du travail, c'était une affaire, mais bon, ils travaillaient vraiment pour eux, pour vivre, et il y avait beaucoup moins cette notion de travail. Et on a passé pendant des années à avoir sa petite ferme et son machin. Alors certes, ils n'étaient pas riches. Cette richesse est devenue avec toute l'ère industrielle, etc. On en est là maintenant. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, à l'heure actuelle, tu peux vivre largement de ton business. Tu peux vivre pas forcément, tu as besoin de 3, de 10 000 euros, je ne sais combien. Tu peux largement vivre pour 3 000 euros. Même 2 000, après tout dépend du pays où t'es, bien évidemment, c'est une autre question. Mais voilà, on arrive sur une ère entrepreneuriale. On le voit bien, beaucoup se lancent de plus en plus. J'avais vu qu'en France, notamment en France, on est un des pays qui entreprend le plus, mais Ouais, qui il y a quand même les forcément. États-Unis où là, il y a énormément d'indépendants, il y a beaucoup de personnes qui se lancent. D'ailleurs, moi, je t'incite à t'inspirer des personnes, enfin des Américains, hein, ils ont des très bonnes idées. Après, ça, c'est un autre sujet, mais les idées, en fait, elles valent rien. Nous, on part d'un principe où les idées, elles valent rien. Donc, tu peux avoir une idée de start-up, ça vaut rien. Si tu le fais pas, ça vaut rien. Donc, inspire-toi de ce qu'ils font, adapte-le à ta passion, à ce que tu aimes faire, à ce que tu aimerais véhiculer, et lance-toi. Si tu te sens capable de le faire, lance-toi. Il y a des gens qui vont t'apporter des solutions derrière par rapport à tes besoins. Nous, il y a des gens qui nous apportent des solutions à nos besoins actuels. Après, ça va évoluer. Mais voilà, c'est un monde qui est très intéressant, le monde entrepreneurial, puisqu'il évolue chaque jour. Il évolue continuellement. Et moi, c'est ça que je trouve très intéressant. Contrairement à quand tu es salarié, en fait, limite, tous les jours, ils se ressemblent, quoi. Tu vas juste avoir un client ou deux qui va un peu plus te saouler ou qui va te faire marrer, qui tu vas avoir des anecdotes à raconter, et puis c'est tout, quoi. Bah tu Tandis que... soulèves un point important, ça me fait penser à un truc, c'est que c'est sur l'apprentissage, c'est quand t'es salarié, toute ta vie tu restes un peu au même niveau d'apprentissage et même t'as tendance Tu régresses, ouais. à voilà, régresser parce que dès que tu vas arriver du travail, t'es plutôt claqué parce que t'as fait une journée épuisante, t'as pas plu. Donc du coup t'as chez toi et tout ce que t'as envie c'est soit d'aller boire un verre, soit de t'abrutir devant la télé, soit... Je sais pas, il y a plein de choses, mais bon, voilà, peu importe. Mais tu vas jamais, jamais, je sais pas, ouvrir un bouquin, regarder des vidéos qui vont parler d'un sujet qui peut te Qui vont apprendre passionner. des choses, quoi. Ouais, voilà, t'as plus l'habitude d'apprendre. En fait, j'ai l'impression que dans le monde où on est actuellement, c'est qu'on apprend à l'école pendant, je sais pas, 20 ans, peut-être. Voilà, et puis après, on arrête tout d'un coup parce que ben, on pense savoir tout et on a besoin d'apprendre. Et en fait, c'est Tous faux les parce que jours, le faut monde, apprendre. Voilà, le Faut... monde, Y il a, bouge y a, y a beaucoup, même quoi. une devise, c'est Don't Stop Learning. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. C'est Il me une semble, hein, bonne devise. sauf si je parle mal anglais, j'en sais rien. Ah, c'est pas moi qui te corrigerai là-dessus parce que je suis pas un exemple en anglais, même si je fais des efforts. Tu vois, c'est comme un truc que j'aime bien et Ouais. qu'on voit souvent dans les habitudes, c'est apprendre l'anglais. Et généralement, les gens sont très motivés pendant une semaine. Ils arrêtent. Et pourquoi ils arrêtent? Parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'apprendre. Parce que tu n'as plus cette notion d'apprendre et tu ne le fais pas Ça, par plaisir. En général, tu le fais c'est un par. tout autre sujet. On pourrait en parler pendant des heures. Voilà. On a un Mais peu voilà, divagué. grosso modo, voilà, pour si tu veux Est-ce te qu'on peut lancer, résumer? Ouais. On peut résumer pourquoi faut il tout le faut-il se temps. lancer. Est-ce que tu peux nous Alors résumer, déjà, bah, Alex? moi j'aimerais juste revenir sur les fondements un peu. C'est le courage. Faut être Ouais. courageux, faut pas avoir peur de prendre des risques. Et moi, je reviendrai sur la peur un peu plus tard, dans nos bons plans, dans nos petits conseils. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment être courageux, avoir des compétences et faire quelque chose qui te plaît. Pas forcément vouloir, par exemple, si tu aimes la guitare, tu vas souvent penser à ouais, faut que je fasse des concerts et tout, ou alors t'aimes le chant, faut que je fasse des concerts et tout ça pour gagner ma vie. Non, tu peux le faire autrement et ça te travaillera ton branding. C'est-à-dire que pour faire des concerts, etc., ça va être relativement complexe. Il va falloir que tu te déplaces pour certaines choses, tu vas perdre beaucoup de temps. Après, je sais pas comment ça fonctionne, mais. Souvent, bah, voilà, ton objectif, c'est d'être une star, d'être devant la scène et tout, alors que bah, tu peux tout simplement apprendre à des gens à mieux chanter ou à mieux faire de la guitare. Et là, en fait, c'est ton apport de valeur, il change complètement. Donc ça, tu vas répondre à un besoin. Il y a des gens, ils veulent apprendre à mieux chanter ou apprendre à mieux faire de la guitare. Et donc toi, bah, du coup, vu que tu sais chanter, vu que tu sais faire de la guitare, bah, tu peux leur apprendre ça. Donc voilà, ça, c'est par exemple une idée. Donc faut être courageux, répondre à un besoin. Et il faut vraiment se lancer, bah, si tu veux, en fait, avoir plus le contrôle de ta vie. Parce que je me rends compte que, en disant ça, en te lançant dans un projet, en te lançant dans l'inconnu, en fait, tu as beaucoup plus de contrôle que si tu es dans quelque chose de stable. Parce que quand tu es dans quelque chose de stable, tu n'as pas le contrôle de ton temps. T'as pas le contrôle non plus de ton argent et t'as pas le contrôle non plus de ton bonheur. Alors que quand tu es entrepreneur, tu peux, c'est toi qui choisis ça, c'est toi qui vraiment va conditionner, va créer un process pour que tu puisses pouvoir jouir de tout ça. Et nous, enfin moi par exemple, c'est mon objectif principal. Donc voilà un peu le résumé que je pourrais t'en faire, on va dire grosso modo quoi. Mais Ouais, faut se lancer si t'es vraiment passionné et que tu aimes prendre des risques et que tu veux prendre le contrôle tout simplement. en parlant, tu m'as donné plein d'idées de podcast, mais comme on t'a dit, ce podcast-là est vraiment pour t'amener de la création au succès. Donc, on essaie de suivre une ligne assez logique. On va commencer C'est après un à attaquer podcast un peu des. plus motivation, on va dire, Ouais, voilà. dans le, On va faire de temps en temps des petits entre podcasts un peu guillemets. sur la motivation, sur les échecs, etc. Mais on va essayer de parler aussi de. Tu vois, il parlait d'idées, Alex. Là, tu parlais d'idées d'entreprendre. Nous, on va essayer de te donner des conseils bientôt. On va essayer pour l'instant de suivre une petite ligne directrice. Donc, on va encore parler un peu de création pendant peut-être 1 ou 2 semaines, sur des petites. Par exemple, sur le compte bancaire, sur la création d'un business plan, plein de choses comme ça. Et après, on Et là, parlera en de beaucoup fait, on est de vraiment dans le techniques. pourquoi faut se lancer, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui était essentiel selon nous. Donc là, on t'a parlé dans le dernier podcast de ce qui était un peu l'auto-entrepreneur, etc. Et donc, du coup, là, en fait, on t'explique concrètement pourquoi il faut se lancer. Et si tu peux peut-être correspondre un peu à ça, même si j'aime pas, on va dire, mettre les gens dans des cases. Comme je te l'ai dit, personne ne naît entrepreneur, donc si tu as envie d'entreprendre, tu peux entreprendre, ça s'apprend. Et justement, tu as des gens qui t'accompagnent là-dessus, et nous, c'est ce qu'on veut faire. Voilà, le plus dur pour résumer, c'est qu'il faut s'enlever ses barrières. Faut pas penser à Apple ni Facebook, etc. Tu peux aussi avoir de grands projets comme startup. Il n'y a pas de souci, mais il faut pas penser uniquement à ça. Et si t'as pas d'idée, c'est pas grave. Il faut pas se lancer dans de grands projets si tu ne sais pas comment le faire. Surtout que plus tu te lances dans de grands projets, plus il faut avoir des développeurs, etc. Donc il faut connaître du monde, il faut avoir un réseau, il faut avoir plus d'argent. Donc là, il faut vraiment viser haut et surtout avoir un pourquoi. Très fort, ce pourquoi je le fais, il doit être très fort pour rester motivé et surtout pas flancher parce que la vie d'un entrepreneur est très vacillant entre des moments d'euphorie, des moments totalement de Ouais, déception et je pense que d'échec. ça, ouais, c'est un podcast qu'on fera très prochainement et Voilà. où on t'expliquera vraiment un peu ce que tu peux vivre en tant qu'entrepreneur. Bien, et ben passons maintenant au bon plan. Alors Alex, qu'est-ce que tu nous conseilles cette semaine? Alors moi, du coup, comme je l'ai un peu teasé avant, c'est la peur. Et souvent, en fait, quand tu es entrepreneur, tu as peur de te lancer. Et moi, je te prendrais l'exemple d'un discours de Will Smith qui, moi, en fait, ça, j'étais énormément bloqué avant de me lancer. Et je m'étais même lancé un peu, j'avais encore des peurs, etc. Mais je m'étais lancé, je m'étais dit, mais c'est la vie que je veux, donc je me lance. Mais j'avais encore des peurs et des craintes. Maintenant, je les ai plus, et pourtant, j'ai de quoi avoir peur. Mais j'ai plus ces peurs, tout simplement. Parce que comme Will Smith, il le dit, et je vais te raconter un peu son discours, c'est qu'en fait, Will Smith, il était en train de boire un verre avec ses potes et tout. Et donc là, il y en a un, il lui dit, hey, demain, on se fait un saut en parachute et tout. Et Will Smith, un peu pompette, un peu chaud, il dit, ouais, allez, on va aller faire un saut en parachute et tout, trop bien. Le lendemain matin, il se réveille, il se dit, mais pourquoi j'ai dit ça, quoi? J'ai pas envie de le faire. Et arrivé au moment où il commence à mettre la combi et tout, envenimé par la peur, il n'a pas envie d'y aller. Mais du coup, il est quand même poussé parce il est un peu obligé de le faire. Il est dans l'avion, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, il se dit, oh, putain, je vais faire ça, oh non. La peur, la peur, la peur. Et en fait, le moment où il commence à mettre les pieds en dehors de l'avion, c'est là où en fait il s'est limite chié dessus. Et il se lance. Il se lance avec le mec, du coup, derrière. Et là, pff, le voile. En fait, la peur, c'est un voile. Et derrière ce voile, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de merveilleux. Il n'avait jamais ressenti une émotion aussi forte, il n'avait jamais ressenti un sentiment de liberté aussi fort, il n'avait jamais ressenti un sentiment tout simplement de bonheur extrême. Et en fait, la leçon qu'il en a tirée de tout ça, c'est que en fait, ta peur, elle te bloque et elle te permet pas d'aller vers quelque chose qui peut être merveilleux. Ça te permet pas d'aller vers quelque chose qui peut changer ta vie. Ça te permet pas forcément d'aller vers quelque chose qui va tout simplement te permettre de te sentir mieux dans ton corps, dans ta vie. Et c'est ça, en fait, quand tu es entrepreneur, souvent la peur te bloque. Et je me rends compte que si tu prends pas ces risques, si t'es pas courageux, eh ben tu pourras pas voir ce monde merveilleux qui t'attend. Donc Ouais, voilà il un peu mon bon faut pas se plan faire et guider par mon la conseil. peur, quoi. C'est ça qui est dit, quoi. Pas se faire guider par la peur Exactement. et savoir la dépasser. Et c'est pas quelque chose de facile. Et ça s'apprend. Ça prend. Il faut commencer à se lancer, faire des petits défis, puis au fur et à mesure, faire plus grand. Et après, tu vas vite voir que bah, dès qu'elle est cassée, cette peur, comme nous, elle a été cassée sur l'entrepreneuriat, maintenant je fais des choses que jamais j'aurais pu faire avant. Rien qu'entreprendre, c'est quelque chose d'énorme. Et quand tu entreprends, je pense que tu casses énormément de barrières. Nous, comme il disait Alex, on a un rapport avec l'argent qui change. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement différent. Parce que quand tu crées une entreprise, tu sais que tu vas mettre beaucoup d'argent sur le tapis et que tu vas pas les récupérer. Enfin, il y a des chances que tu peux ne pas les Enfin, récupérer. tu les récupéreras, mais pas Tu tout la de suite. récupères Si tu si fais les choses tu. correctement, Oui, voilà, mais. mais je veux dire, si t'es chou, voilà, tu vas pas les récupérer. Donc, c'est un risque que tu prends de pas les récupérer. C'est ça ce que je veux dire. Donc, il faut pas avoir peur, il faut pas être à l'in, il faut savoir que, il faut croire au projet, te dire que bah, si t'échoues, bah, c'est pas grave, tu te referas un autre jour, tu te referas peut-être dans un nouveau projet entrepreneurial, peut-être que tu gagnes. Enfin, l'argent, il faut pas considérer quelque chose comme important. Oussama Ammar disait notamment dans sa vie qu'il avait testé pour casser ses barrières au niveau de l'entrepreneuriat, qu'il avait fait le SDF, qu'il avait fait la manche. Et qui s'était rendu compte que c'était rien et qu'il arrivait même à avoir assez d'argent pour se payer à manger, que les gens lui donnaient suffisamment dans la journée à manger, suffisamment d'argent pour se payer à manger. Et qu'en fait, il s'est rendu compte que c'est rien, c'est pas grave et qu'on peut toujours rebondir. Voilà, je mettrai dans la description le lien de la vidéo de Will Smith, comme ça, bah, les gens pourront aller voir et puis se faire un avis, surtout qu'il Ouais, le dit de très très manière très très inspirant, ouais. humoristique. Il le Ouais. prend sur enfin, c'est un acteur en même temps, il le dit très bien Il et il y fait a très respect. le discours aussi de Jim Carrey, Ouais, on le ouais, mettra. je le mettrai dans la description, ok. Ouais. Donc alors, moi je voulais vous parler de celui qui m'a fait le déclic, comme j'ai parlé, c'est Steve Jobs. Alors j'adore Steve Jobs, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré. C'était quand même un connard, faut le dire. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un connard avec ses employés. Il considérait soit que tu étais merde ou soit que tu étais un génie. Donc c'était soit tu lui étais utile, soit tu lui servais à rien et il te Il virait était sans très état d'âme. binaire, ouais. Ouais, voilà. Et c'était quelqu'un de très, très excentrique. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pour te dire, et Alex te parlait du discours de Jim Carrey devant des étudiants qui recevaient leur diplôme, et ça c'est souvent des discours très inspirants, je te conseille d'en regarder beaucoup parce que chaque année ils invitent généralement des stars qui font des discours assez importants, et notamment donc en 2005 c'était à Stanford et c'est Steve Jobs qui faisait ce discours. Il a parlé donc d'une histoire qui m'a totalement bouleversé, vraiment, vraiment m'a bouleversé, ça a été vraiment un choc. Il parle de trois histoires, la première c'est relier les points. Alors je t'explique en quelques mots ce que c'est. C'est qu'en fait, il a pris des cours de calligraphie quand il était jeune. Et au début, il ne voyait pas. C'était juste que ça lui plaisait, bon, comme ça. Ça lui plaisait, mais il ne voyait pas, ça n'allait pas lui servir à sa vie. Il ne pensait pas que ça allait servir à sa vie. Et puis, voilà, ce qu'il a fait avec Apple, c'est que ben, il a dit, voilà, c'est avec Apple qu'on a la meilleure écriture. Au début, ils avaient créé toutes les polices, etc. Enfin, ils ont été vraiment révolutionnaires sur ce côté-là. Maintenant, ça nous paraît plus révolutionnaire, mais au début, dans les années 90, c'était révolutionnaire. Et en fait, il s'est rendu compte bah, que tout ce qu'il avait en fait appris, qu'on pense peut-être sur le moment qu'ils ne vont pas nous servir, qui en fait bah, va nous servir plus tard. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est quand on apprend quelque chose, bah, ça nous servira toujours. Il ne faut pas considérer ce qu'on apprend comme une perte de temps. Et ça, c'est surtout souvent ce qui nous arrive dans les cours, où on pense que ça ne va jamais être important, mais ça peut toujours nous servir, même des cours en classe. La deuxième histoire où il parle, c'est d'amour et de perte. Alors là, il parle de son entreprise, pas d'amour avec sa femme, etc. Mais c'est avec son entreprise. Comme disait Alex tout à l'heure, bah, voilà, il s'est fait virer de son entreprise alors qu'il adorait son entreprise. Son entreprise, pour lui, c'est toute sa vie. Il faut bien comprendre qu'il a un amour pour l'entreprise qui est totalement, comment dirais-je, j'ai pas le mot, mais démesuré, voilà, démesuré. Et voilà, il se fait virer. Bon. Il l'a cherché, hein. Faut pas le nier. Hein. Il l'a vraiment cherché. C'était vraiment un connard. Personne ne pouvait le supporter. Il s'est fait totalement éjecter par sa faute, totalement sa faute. Et il s'est pas fait prendre en traite, on va dire. Mais voilà, il a Il pensait que sa vie allait être gâchée, il savait pas quoi faire. Et en fait, c'était les meilleures de sa vie, ses meilleures années de sa vie, parce que ben, il est redevenu créatif. Il était plus créatif quand il était quand il était à Apple, parce que ben voilà, il est plus dans son cœur de métier. Il a dû faire beaucoup de gestion, etc. Il était plus vraiment dans son cœur de métier, et ça lui a permis de redevenir créatif. Et c'est là où il a créé deux entreprises. Alors, c'est Pixa que vous connaissez actuellement, c'est lui qui en est bah, plutôt là À l'origine. à l'origine, voilà. Et alors une autre entreprise qui n'est plus, alors qui s'est transportée, je sais plus comment c'était NX, enfin, je sais plus exactement, c'était un système d'exploitation. C'était Bon, Next, je crois, ça, non? ouais, Next, voilà, peut-être, ouais. Donc du coup, voilà. Et bah, Pixar, vous connaissez le succès, ça en a, c'est là où ils réalisent les meilleurs dessins animés. C'est les plus beaux en termes de graphisme, d'image, et c'est ceux qui font les meilleures audiences au box-office. En général, c'est vraiment, ils sont connus pour leur qualité de contenu. Et grâce à tout ça, eh ben, il a pu retrouver quand même son entreprise. Et il faut savoir que voilà, c'est pas parce que tu as un échec que tu vas pas arriver à rebondir. Il faut pas se sentir. Un échec, ça peut être bénéfique. Lui, ça a été bénéfique. Il a pu recréer une entreprise qui a bien marché. Next a été en plus racheté par Apple. Donc pour lui, tout est bien. Et pourtant, il ne pensait pas que ça allait bien. Donc un échec, on a toujours quelque chose derrière, on peut toujours en tirer quelque chose et on peut toujours aller plus loin. Et le troisième, c'est la mort. Parce que lui, il a été confronté à la mort pendant 10 ans, je crois, à peu près 10 ans de sa vie. Parce qu'au début, bon, il avait un cancer du foie. Et bon, il a un peu aussi précipité sa mort. Hein, mais bon, je ne vais pas faire l'histoire non plus du truc. Mais je vais te citer plutôt une citation de Steve Jobs que j'ai prise, qui résume beaucoup sa pensée. Cette citation résume un peu la partie sur la mort. Donc je te la lis. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas piégé par le dogme. Ce qui revient à vivre selon le résultat de la pensée d'autrui, ne laissez pas le bruit de l'opinion des autres étouffer votre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Et ça, c'est aussi une raison d'être entrepreneur. Quand on est entrepreneur, et même dans toute sa vie, c'est suivre ses envies profondes, pas réfléchir et être. Et c'est ça, c'est aussi une qualité d'entrepreneur. C'est ne pas réfléchir et plutôt jouer avec ses émotions, son cœur. Et c'est ce qui marche le mieux maintenant en communication. C'est plutôt de jouer avec ses émotions, sa personnalité. Et il faut se dire que tu as forcément raison ou pas. Mais il faut suivre plutôt ton intuition que regretter de ne pas l'avoir suivi et d'avoir un échec. De suivre ce que les gens te disent ou suivre peut-être la voie de la raison. C'est pas forcément la raison qui va réussir, qui va être ton facteur de succès. Ça va peut-être être, bah plutôt ton intuition. Voilà. C'est quelque chose, il faut suivre. Il faut suivre sa destinée. Et il se disait notamment que chaque jour, il se disait devant la glace, si aujourd'hui tu meurs, si aujourd'hui c'est ton dernier jour, qu'est-ce que tu ferais? Et ça, c'est important. Si tu te dis ça, bah, tu feras peut-être des choses que tu as envie de faire. Et nous, c'est ce qu'on te conseille, fais ce que tu as envie. Voilà. Je pense que j'étais un peu long dans ma petite recommandation, mais Ah, c'est un discours c'est très super inspirant, ouais. ouais, c'est vachement Et bien. tu voulais peut-être aussi parler de d'Oussama, du coup, non? Ouais, Oussama, alors vu que j'ai pris un peu de temps, je vais essayer de résumer un peu le truc, on en a un peu parlé avant. Oussama, c'est quelqu'un qui, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas, parce que bon, il donne des cours avec The Family, il est le cofondateur de The Family, il a fait des boîtes quand il était petit, enfin bon voilà, il a fait plein de choses, un grand entrepreneur, il est allé à la Silicon Valley pour apprendre le métier d'entrepreneuriat. Donc c'est quelqu'un qui voilà, arrive des States, où il a vraiment appris, c'est vraiment un pays formateur pour devenir entrepreneur. Il a rencontré de nombreuses personnes comme Bill Gates, etc. Alors voilà, il donne des cours grâce à The Family, qui n'est pas un incubateur, parce que si tu dis que c'est un incubateur, il va pas apprécier, mais c'est voilà, il accompagne les entreprises, il va même investir dedans dans les entreprises, il a toujours un pourcentage de capital, il va les accompagner. C'est à Paris. Ils veulent aussi s'agrandir. Je ne sais pas s'ils auraient sur leur projet de s'agrandir. Et cette personne-là donne des cours gratuitement sur YouTube. Tu peux en trouver beaucoup sur Startup Food, je crois. Oui, il y a Et ça. là, tu apprends énormément sur le mindset d'entrepreneur. T'apprends pas comment. Tu as aussi des cours sur comment apprendre à construire une entreprise, notamment avec Alice Zaguari, qui est la cofondatrice de The Family. T'en as d'autres qui viennent faire des conférences. Mais voilà, celles de Oussama Hamar sont superbes. C'est plutôt sur tourner vers le mindset de l'entrepreneur. Il t'explique notamment qu'est-ce que la différence entre un entrepreneur et un businessman, comme j'essaie de t'expliquer. Il t'apprend beaucoup de choses, énormément. C'est plutôt tourné sur les startups. C'est pas tourné énormément sur les web Y a entrepreneurs. même des personnes qui interviennent pour expliquer un peu tout ce qui est publicité Facebook, comment Ouais, voilà. faire ses pages de vente, etc., etc. Ouais, j'avais suivi ça. Donc, Sur les mailings, etc. Sur le voilà. mailing, sur le gros hacking, sur plein de choses. Voilà, c'est pour apprendre le mindset d'entrepreneur, pour se libérer de ses barrières. Moi, il m'a servi pour me libérer de mes barrières. Steve Jobs a été le déclic. Et lui, il a été celui qui m'a enlevé mes barrières. Donc, ces deux combinés-là ont fait ce que je suis maintenant. Et je les remercie pour tous les contenus qu'ils ont fait. Je vous conseille vraiment d'aller les voir. C'est vraiment une école d'apprentissage, une école d'entrepreneur. Si tu veux apprendre vraiment ce que c'est un entrepreneur, comment il faut réussir, quel est le mindset qu'il faut avoir, son contenu est parfait. Voilà. Après, c'est un peu lent, c'est sûr qu'il faut se bloquer 1 heure et demie, mais bon, après, quand, je sais pas si tu vas, regarde, c'est bientôt les vacances de Noël, c'est dans un mois, mais voilà, si tu vas chez la famille, tu as 2 heures de route, et bah bam, tu te mets ça en podcast dans ta voiture, bah voilà, t'es tranquille. Ou t'es dans le train, tu te mets ça, bah, je sais pas, t'as plein de moyens pour consommer ce podcast. Pendant que tu fais la Donc voilà. vaisselle, Voilà la vaisselle, machin, la voilà. bouffe. Ouais, non, mais c'est ça. Donc voilà, Oussama, moi, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais moi, je trouve Non, mais super. voilà, c'est à apprendre des gens qui ont une histoire, qui ont vraiment un storytelling très fort, et ça te permettra d'avoir un état d'esprit différent. Et nous, on est sorti un peu de l'état d'esprit bridé, que la société un peu nous impose, que le système veut, je ne sais pas s'il veut nous l'imposer, mais c'est comme ça. C'est dans les mœurs, qu'il faut Ouais, faire voilà, c'est métro, boulot, dodo. Et donc du coup, en fait, quand tu t'intéresses à certaines choses, ben, tu vas commencer à te créer ton propre opinion, à te créer vraiment ton état d'esprit. Et c'est ça qui est très important en tant qu'entrepreneur. Donc moi, je finirai juste là-dessus, et ouais. n'hésite surtout pas à te lancer si tu as vraiment envie de reprendre un peu le contrôle de ta vie, de vouloir avoir la vie que tu veux, quoi, tout simplement. Ouais, voilà, moi on te conseille, hein. C'est vraiment des conseils, mais ces personnes-là sont importantes. C'est important d'avoir des gens qui nous inspirent pour sortir de tout ça, parce qu'on a besoin on a besoin d'apprendre, on a besoin des autres aussi pour. Il faut pas croire qu'un entrepreneur, ça va être quelqu'un de seul. Il faut apprendre des autres pour justement pouvoir s'améliorer. Et on apprend mieux des Et autres. moi, j'aimerais bien dire aussi une chose, c'est qu'il y a des entrepreneurs ou des influenceurs qui peuvent être connus, mais ils ont toujours eu un mentor, ils ont toujours eu quelqu'un un peu qui a été à la cause d'eux. Et c'est ça, en fait, qui est relativement important à comprendre aussi, c'est que, par exemple, Vincent, il a eu Steve Jobs et Oussama Hamar qui lui ont permis d'avoir le déclic et de casser les barrières. Moi, il y a eu Will Smith et Jim Carrey qui m'ont vraiment permis de casser mes peurs, et de me lancer pleinement dans certains projets. Donc voilà, on a eu des personnes qui ont été à l'origine de notre projet, du moins de notre création, de notre état d'esprit, de notre nouvel état d'esprit. Et on apprend toujours, tous les jours, de nouvelles personnes. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant aussi, et qu'on te conseillera, c'est continue à te former chaque jour, apprends chaque jour. Et même si c'est 20 minutes à écouter un podcast, ou si c'est 1 heure et demie, peu importe, apprends. Même si c'est lire 10 pages d'un livre, apprends. Mais voilà, quoi, c'est très important. C'est ça qui te forgera, qui te fondera. Donc voilà. Voilà, on va finir sur, comme d'habitude, bah, comme l'ancien podcast, on n'en est que deux, mais comme d'habitude, sur un peu notre auto-promo, sur des choses, sur les nouveautés, qu'est-ce qu'on peut proposer justement, parce que nous, on est vraiment dans cette optique d'aider les entrepreneurs, moi comme Alex. Donc, vas-y Alex, dis-nous un peu tes nouveautés, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu as des nouveautés à nous dire sur ton contenu? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Medium où vous tapez rentable grâce à Facebook. Donc, je donne énormément de contenu sur Facebook. Je suis en train de créer une formation d'ailleurs sur comment gérer un business uniquement avec Facebook. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je serais très curieux d'avoir vos questions, vos commentaires ou remarques. Donc, vous pouvez aller sur Rentable grâce à Facebook. Vous aurez également des liens qui vont vous rediriger vers mes podcasts où je parle tout seul de content marketing. Je serai pas avec Vincent ce coup-ci, mais si vous voulez vraiment avoir toutes les ressources, vous allez sur Rentable grâce à Facebook. Sur medium.com et donc du coup vous aurez vraiment toutes les ressources si vous avez déjà des dizaines et des dizaines d'articles concernant Facebook et donc du coup là je lance actuellement mon podcast aussi en parallèle. Et tu as fait Donc ta première formation aussi, il me semble. j'ai une formation aussi ouais pour ceux qui veulent avoir un processus de vente efficace où j'explique tout un acheminement qui est vraiment un fondement essentiel pour pouvoir lancer son business. Alors après, avec Facebook, si ça vous intéresse un peu plus, on va voir autre chose. Ça va être une autre chose. C'est des choses qui sont vraiment concrètes et que j'ai testé, qu'on a testé avec Vincent. Donc, c'est vraiment dû à nos tests. C'est pas des formations où j'explique ça comme ça. Après, si vous voulez tout simplement trouver des clients grâce à Facebook, vous avez une ressource gratuite. Vous avez juste à vous inscrire pour la recevoir. On verra si on le met dans la description. Donc, je vous explique avec quelle est la petite astuce, quelle est la petite méthode à utiliser pour trouver des clients grâce à Facebook sans publicité, bien entendu. C'est totalement gratuit. Et je vous donne un petit bonus si vous inscrivez aussi. Donc, voilà un peu pour tous les contenus que je fais. Et toi, du coup, Vincent, où De est-ce qu'on toute peut te retrouver? façon, juste avant, de toute façon, on fera des podcasts aussi sur la communication, tout ce qui est Medium et Facebook. On n'en parlera jamais autant que ce que tu peux en parler toi, de manière détaillée et de manière spécialisée. Nous, on va en parler, mais vraiment dans le contenu gratuit, sans aller vraiment Voilà, dans les détails. nous, Je ça va être dans propose la les bases. création. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Et donc du coup, voilà, si moi je suis vraiment, comme je te l'ai dit un peu en début de podcast, c'est vraiment sur le web marketing, communication, comment créer une audience et comment créer du contenu qui rapporte. Moi, à l'heure actuelle, mon business n'est pas aussi avancé que le peut être celui d'Alexandre, mais j'ai une chaîne YouTube où je parle du statut d'auto-entrepreneur, exclusivement pour les web auto-entrepreneurs. Je parle donc des formalités, parce que ça, c'est quelque chose qui revient très souvent de qu'est-ce que, enfin voilà, beaucoup de personnes se posent des formalités sur qu'est-ce qu'on va payer, comment s'inscrit, ça peut paraître peut-être débile ces questions-là, mais c'est vraiment ce qui revient beaucoup dans les groupes Facebook, que je me suis rendu compte que beaucoup ne connaissaient pas grand-chose sur les formalités, sur ce qu'ils devaient payer. Même il y en a qui se lancent, ils ne savent même pas de quoi ils vont payer. Ça me paraît totalement fou. Je suis tombé il y a quelques jours sur un gars qui se demandait ce que c'était la cotisation foncière des entreprises. Ça me paraît quand même le béaba de quand se lance, savoir un peu de quoi on va payer. Qu'est-ce qu'on va payer? Je parle aussi de l'actualité. Alors, de l'actualité, c'est pas une chaîne d'information, mais c'est plutôt décrypter l'information pour savoir ce qu'est-ce qui va vous attendre et est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle les choses qui vont arriver dans le futur. Je dis aussi comment je vais aussi vous aider à peut-être optimiser tout ça, parce qu'on peut essayer d'optimiser en tant qu'auto-entrepreneur des choses pour éviter de payer trop d'impôts. Je parlais aussi beaucoup de la TVA, parce que le futur de l'auto-entrepreneur va être très difficile dans les prochains mois, notamment au niveau de la TVA. Ça va être compliqué parce que vous allez devoir vous soumettre à la TVA, a priori, à ce qui se profile. Vous allez être soumis à la TVA parce que le plafond de la TVA ne va pas être doublé comme le plafond de l'auto-entrepreneur. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Je m'en suis beaucoup rendu compte sur les groupes Facebook. Il y en a beaucoup qui se posent la question de comment ils vont pouvoir gérer tout ça, surtout que ce n'est pas des comptables. Et enfin, je vais vous donner aussi des conseils, parce que je parle des web entrepreneurs, je vais donner des conseils en web marketing, comment développer son business sur Internet avec quelques astuces, quelques outils. Et très bientôt, je pense proposer une formation, mais on en reparlera très bientôt, mais ça va être certainement sur une formation sur comment créer mon entreprise avec tous les outils, etc. Mais on en reparlera, en plus ça dépend de quand tu écoutes ce podcast, ça se trouve elle est déjà créée, ça se trouve je suis parti dans totalement autre chose, donc vu que c'est un contenu assez intemporel, c'est difficile de situer, mais je sais pas où j'en suis à l'heure actuelle où tu écoutes ce podcast, mais voilà, c'est à peu près l'idée de ce que je fais actuellement, en tout cas c'est les digital, mais ça devrait bientôt changer de nom, je pense, je suis en train de voir que ça a changé de nom. C'est pareil, tu vois, je peux pas te dire trop l'avenir, mais ça devrait changer de nom. En tout cas, tu as les liens dans la description et ça, les liens devraient t'actualiser. Donc, si tu veux aller voir, c'est dans la description. Tu auras Voilà. toutes les ressources, voilà, dans la description. Et donc, si ça t'intéresse, tu vas aller voir. Il y Ouais, aura c'est beaucoup de ça. ressources Ouais, pour ce là, pour ce... podcast. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas On mal. t'apporte pas mal de choses. Donc, voilà. Voilà. Du coup, bah, nous, on se retrouve bah, tous les jeudis, comme tu as pu le voir dans la description du podcast. Et tous les jeudis, ce podcast-là est vraiment parler de la création. Au succès, et pas la semaine prochaine. Je sais pas encore de quoi on va parler, donc je veux pas te le dire, mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec le sourire, avec l'envie et avec l'envie d'entreprendre. J'espère que tout ce podcast a pu t'aider. À la semaine prochaine. Salut!